Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le mag, un mag qui reprend le rythme précédent des news VF et VO auxquels s'ajouteront cette semaine donc les news ciné et télé. Programme très chargé, on va commencer sans plus tarder, je suis Mathieu et vous allez écouter le 15e numéro du mag. Cette semaine avec moi, Elvire. Bonsoir. Arnaud. Salut. Byron. Salut. Et Elodie. Bonsoir. Allez, on va commencer par les news des comics en VF. Et du coup, je vais commencer avec une news Panini. Tout simplement la réponse à la fameuse énigme de la semaine dernière qu'ils avaient postée sur Facebook pour teaser un petit peu des nouveaux titres. Qui rejoindrait la gamme Fusion, donc on le sait maintenant, il s'agira de Sunstone, de Providence et de Crossed plus 100. Sunstone, pour faire vite, c'est l'histoire d'amour entre deux lesbiennes amatrices de BDSM. Fifty Shades. Voilà, Clément appréciera certainement ce comics. Voilà, ça sortira en août et c'est édité en VO chez Topco. Pour Crossed plus 100, bah, c'est Alan Moore et Gabriel Andrade, une série Avatar qui s'intéresse à l'univers de Crossed, mais 100 ans après l'infection. Et puis, donc ça sortira en septembre. Et puis en novembre, donc Providence, toujours d'Alan Moore, et cette fois avec Jason Burroughs. Une série qui, elle aussi, est sortie chez Avatar. Et d'après les mots d'Alan Moore, c'est son histoire ultime d'H.P. Lovecraft. Voilà. On va continuer dans les news Panini, Arnaud, avec des annonces encore pour la rentrée. Oui, là, c'est dans la gamme 100% de Marvel. Et donc, on a appris que le tome 2 de Miss Marvel et d'Electra sortiront en septembre. Et donc, ce sera le dernier tome d'Electra. Et le mois suivant, en octobre, on aura le droit au troisième tome de Daredevil, de Wade et Sam Lee. Ouais. Et pour rappel, le deuxième tome sort en juin. Ouais. Et toujours pour cette période de rentrée, Byron, pas mal d'intégrales qui sont annoncées également. Oui, puisque alors déjà en août, on aura Gardien de la Galaxie 77 à 80, plus Hulk de l'année 1991. En septembre, on retrouvera la série Amazing Spider-Man, toujours en intégrale. Cette fois, ce sera l'année 1983. Et en octobre, on aura Thor de 1966, plus une réédition d'Avengers de 1966. Ouais. Et puis Byron, tu as gardé la main, puisque Panini a annoncé la checklist pour le mois de juillet, avec quelques petits trucs que tu as repérés dedans. Ouais, ben alors, toujours Axis qui continue dans Avengers numéro 25, le nouveau mensuel Ant-Man, et Spider-Verse... l'événement, le crossover du Spider-Verse, quoi, toujours écrit par Slott et qui est dessiné par Olivier Coipel, qui continue. Moi, ce qui m'a interpellé dans cette checklist, c'est l'augmentation des tarifs, puisque tous les kiosques prennent 10 centimes, ils passent à 4,90€ au lieu de 4,80€. Mais alors, ce n'est pas tout, puisque du côté de la librairie, on a aussi de belles augmentations. Les Deluxe passent à 29€, donc eux, ils prennent 40 centimes. Et puis tout ce qui est les Marvel Icons, c'est maintenant passé à 36€, donc 50 centimes d'augmentation de ce côté-là. Et puis même les gammes Marvel Now et 100%, elles aussi chopent quelques dizaines de centimes au passage. Donc, ah ouais, voilà. J'ai même pas fait gaffe en plus. Comme ça, j'ai vraiment pas beaucoup de VF. Ouais, mais c'est vrai que ça fait vraiment cher là en fait maintenant. Ben ouais, ça, bon, ça reste ah, dans les, c'est, dans c'est, les, dans ouais, un peu moins cher que Urban en kiosque et dans les mêmes gammes de prix en librairie, mais bon. Ouais, ça commence à taper un peu haut, effectivement. Surtout que, voilà, sans prévenir, ils balancent la checklist, voilà. Et puis, bah, ceux qui remarquent que les prix augmentent, bah, tant mieux pour eux. Si au passage, ça pouvait passer à l'as sans que personne le voie, bah, voilà. Sauf que, bah, raté, tout le monde l'a vu. On va quitter Panini, on va passer à d'autres news VF maintenant. La première est une bien triste nouvelle, puisque la Paris Comics Expo a annoncé sur sa page Facebook qu'il n'y aurait pas d'édition 2015 de la convention. Donc voilà, on ne se retrouvera pas au mois de novembre du côté de l'espace Champéret. C'est dommage parce que voilà, en trois éditions, la PCE avait réussi à devenir vraiment un événement incontournable de la fin d'année en ce qui concerne les comics. Il ne le cache pas, hein, la concurrence d'un nouveau salon sans le nommer. On sait tous que c'est Paris Comic Con. Voilà, qui arrive un mois juste avant eux, bah forcément. Ils voulaient pas prendre le risque financièrement de perdre des visiteurs qui auraient fait le choix entre Comic-Con Paris et PCE. Donc du coup, ils préfèrent se retirer pour cette année. A priori, pour mieux revenir plus tard, mais voilà, il faudra trouver un créneau Arnaud, tu veux enchaîner toi sur la Comic-Con Paris justement? Oui, ils ont annoncé deux nouvelles venues. C'est le duo Jimmy Palmiotti et Amanda Connor qui bossent sur Harley Quinn et Starfire. Donc ils seront présents à Comic-Con Paris en octobre. Et puis il devrait y avoir d'autres noms qui vont être annoncés dans les prochaines Ben, semaines. disons qu'après avoir réussi à faire sauter la PCE, ils ont intérêt à annoncer plus que deux artistes du côté des comics parce que voilà, maintenant Ils ont l'impression. ils ont voulu se la jouer, on débarque avec nos gros bras en se plaçant juste quelques semaines avant la PCE pour les forcer à s'annuler, ce qu'ils ont réussi à faire. Ben maintenant, on va falloir prouver qu'ils sont dignes d'être un vrai événement et un événement comics comme leur titre le veut. Donc on verra. Apparemment, ils auraient un gros nom qui s'annoncerait très bientôt. On Ben verra. on verra, on et verra. apparemment ce sera un nom ciné ou télé. Allez, on va passer à la sélection VF parmi les sorties de la semaine. Arnaud, tu as sélectionné deux titres. Oui, alors le premier c'est en librairie, c'est le premier tome d'Iron Fist du Marvel Now. Donc ça tombe bien pour ceux qui veulent découvrir le personnage avant la série de Netflix. Et donc c'est 128 pages pour 14,95 € avec les 6 premiers numéros de Iron Fist The Living Weapon. Donc pour découvrir Danny Rand, son passé, son entraînement à Kunlun, etc. Et ensuite c'est en kiosque, c'est les deux kiosques Deadpool. Donc d'abord Deadpool 12 qui en fait continue l'histoire de l'event Axis, 72 pages pour 4,60 €. Et ensuite c'est le Deadpool hors série 3, Deadpool versus X-Force, avec les 4 épisodes de cette série plus Girl Comics numéro 2, et donc 96 pages pour 5,50 €. Et toi, Elvire, tu as repéré une sortie chez Wanga. Oui, chez Wanga Comics, donc c'est le tome 1 de Leviathan. C'est encore une BD que j'avais déjà présentée, Uber. C'est encore une BD qui se passe pendant la guerre. Donc là, on est dans le Troisième Reich. Il y a Himmler et les SS qui créent une arme scientifique, qui créent une arme qui a trait à la sorcellerie, qui s'appelle Leviathan, qui pourrait leur faire prendre de l'avance sur le conflit. Mais elle est tellement puissante, cette arme, qu'elle se retourne contre eux, donc ils la mettent, ils l'enterrent entre guillemets. Et là, on est dans la Seconde Guerre mondiale, et donc les nazis veulent ressortir cette arme pour gagner la guerre, et ça commence par là. Donc voilà, et c'est donc 100 pages pour 12 € chez Wanga Comics. Ok. Ben c'est tout pour la sélection VF de cette semaine. Hein, pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. En même temps, après l'avalanche qu'on a eue la semaine dernière, pas étonnant. On va passer du coup à l'actu ciné. Et puis, ben Elvire, du coup, tu vas reprendre la parole pour nous parler de Suicide Squad. Oui, est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi on parle de Suicide Squad? Donc, je pense que si vous avez Twitter ou même si vous avez Internet, vous avez tous vu les photos du casting. Il y en a une avec plusieurs personnages. Donc, on a pu voir Slipknot, Captain Boomerang, Enchantress, Katana, Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc et El Diablo. Et je pense que c'est pas celle-là qui a fait le plus parler d'elle. C'est surtout la photo du Joker. Avec Jared Leto, donc que dire, on va pas refaire le débat qu'il a pu avoir sur Twitter, mais disons qu'il y a beaucoup de, les gens sont sceptiques, on va dire par Oui, rapport on aux a photos. parlé la semaine dernière de cette photo. C'est plus l'autre qui m'a posé problème. Donc celle de Deadshot, toi. Enfin, Deadshot et même de tout le groupe, hein. C'est vraiment très moche. On dirait des cosplays plus que des vrais costumes de cinéma. Et Deadshot, ils ont quand même fait l'erreur de mettre son viseur du mauvais côté. Ils sont forts quand même. Oui, mais après, on peut toujours dire que c'est la photo, elle est en miroir, et que voilà, on pourra toujours. Certes, ça s'enlève pas le côté chic des costumes. Mais il y a beaucoup d'encre à couler sur Harley Quinn, surtout. Oui, aussi. Enfin, moi, je l'ai quasi pas vu dans les comics. Je l'ai vu qu'une fois dans les comics, donc Son je peux maquillage pas. aussi a coulé. Oui, non, bon, c'est une photo. Voilà. Attendons de voir en mouvement, Et attendons. ça fait kitsch, c'est vrai, je trouve, mais bon. Allez, Star Wars 7 maintenant, et le méchant de ce film, on sait que c'est Kylo Ren. On sait maintenant qu'il sera interprété par Adam Driver, qu'on a pu voir dans Girls, et que ce grand méchant sera aidé du capitaine Phasma, et qui sera joué par Gwendoline Christie, qu'on a pu voir, qui est Brienne dans Game of Thrones. On a également eu quelques photos, et notamment des photos behind the scene, qui ont été diffusées sur Internet, donc notamment à l'occasion du Star Wars Day la semaine dernière. Et puis, autre. On va rester dans les Days, puisqu'on va passer à Days of Future Past avec le Rock Cut qui sortira en DVD les Blu-ray le 14 juillet aux États-Unis et le lendemain en France. 17 minutes supplémentaires, et parmi ces 17 minutes, une sous-intrigue avec Rogue qui était donc coupée au montage. Elvire, ça bouge, et ça bouge vraiment du côté de Captain America Civil War. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes, puisque ça, on en a parlé en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup, beaucoup de newscasting pour Captain America Civil War, dont la plus, celle qui a fait le plus couler d'encre sur, je pense qu'il a fait imploser Tumblr. Littéralement, c'est Martin Freeman qui sera dans Captain America. Je pense qu'on ne sait toujours pas le rôle. Non, il y a non. quelques pistes, y a des, mais y a voilà, des on pistes, sait pas. Mais rien on de sérieux. Pas. Donc c'est surtout ça la grande nouvelle. Après, on sait qu'il y aura donc Sharon Carter, l'agent 13, qui sera dedans. Donc Emily Van Camp va reprendre son rôle. Il y aura Hawkeye, il y aura Scarlet Witch, il y aura The Vision, il y aura War Machine, il y aura Ant-Man, et il y aura aussi, moi ce qui m'intéresse, il y aura le général Thaddeus Thunderbolt, donc c'est le par William Hurt, donc c'est celui qui est dans l'incroyable Hulk. Hulk. Donc est-ce que ça peut laisser penser qu'on pourra avoir un film Hulk? Je sais pas, mais en tout cas il y a un personnage non. qui revient de chut. Donc oui, il y a un personnage de ce film-là qui revient, film-là mais qui a un rôle réel à jouer dans Civil War, donc ouais, pas étonnant, et tant mieux qu'il revienne après autant de temps de décalage par rapport à son film. Voilà, et puis évidemment, toujours Falcon comme annoncé, et puis tous les autres hein, qui étaient déjà annoncés auparavant, donc un film qui ressemble sérieusement à un Avengers 2.5. Mais avant ça, on aura quand même Ant-Man, Arnaud. Oui, et le film devait d'abord sortir le 22 juillet en France. La date a été avancée au 15 juillet, et finalement ils se sont dit on va profiter du jour férié. Du coup, la date est encore décalée au mardi 14 juillet. Voilà, allez, encore un jour de moins à attendre. Youpi, bah. Ouais. Bah oui, moi j'ai hâte de voir ça. Et la Paramount, quant à elle, développe une adaptation cinéma de The Activity. Voilà, rien de plus à dire que ça. Elodie, toi, tu vas nous parler d'un départ. Et oui, le départ de Hugh Jackman, alias Wolverine. Il tournera donc le troisième volet de Wolverine, et pour lui, il a annoncé officiellement que ce sera son dernier film. Donc voilà, on ne sait pas encore s'il fera une apparition dans X-Men Apocalypse, mais apparemment, voilà, il dit au revoir à son rôle. Alors est-ce qu'il lui dira plus au revoir que la dernière fois qu'il lui a dit au revoir ou pas? On peut espérer que le revoir. Parce que bon, c'est un peu à chaque film où il nous oublie de dire au revoir. Donc bon, est-ce que cette fois on est censé le croire? J'aimerais bien. Oui, j'aimerais bien aussi, ouais. Pas moi. Il a fait son temps. Ah, mais c'est toujours l'un des personnages clés des X-Men, quoi. Mais il y en a plein d'autres, hein. Ce serait bien de les utiliser aussi. C'est ça. Ça n'empêche pas de garder aussi les anciens. Oui, mais il y en a encore 10 autres anciens. Qui, eux, attendent l'horreur. Surtout que maintenant, on est passé dans les années 80, donc il n'a plus vraiment grand-chose à foutre là. Bah, puis disons qu'il commence à... ça commence à se voir qu'il est plus vieux que les autres, et... Alors qu'il n'est pas vraiment censé vieillir alors autant. Qu'il est censé être plus jeune, là, justement, enfin, bref. Elvire, tu vas nous parler, toi, de scénariste, pour terminer. Oui, encore une news pour les films Marvel. Donc, il y a les scénaristes des films, donc Captain America, Thor 2 et du pilote d'Agent Carter. Donc, c'est Christopher Markus et Stephen McFeely qui vont écrire le scénario des deux parties de Avengers Infinity War. Ok. Bon, bah, vu ce qu'ils ont déjà scénarisé, c'est plutôt encourageant. Allez, on va passer aux News Comics VO cette fois, maintenant que la page ciné est tournée. Très peu d'annonces cette semaine. Arnaud, toi, tu as retenu le troll de Marvel qui continue? Oui, apparemment ils ont toujours pas digéré de pas avoir les droits des films Fantastic Four et Deadpool, etc. qui appartiennent à la Fox. Et donc après avoir tué Deadpool, Wolverine, avoir tué le cast du prochain Fantastic Four, avoir arrêté la série Fantastic Four, ils ont décidé de changer les origines de Scarlet Witch et Quicksilver pour ne plus ne faire des jumeaux des mutants. Mais juste transformer leurs origines en disant que leurs parents sont humains, c'est plus Magneto, ce sont des humains, et ensuite ils se sont portés volontaires pour des expériences scientifiques comme dans Avengers. Voilà. Je comprends vraiment pas en fait le principe de faire ça. Enfin, je comprends pas par exemple Même arrêter la série Fantastic Four, c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Oh, Fantastic Four reviendra après Secret Wars. Ouais, mais je veux dire, enfin, c'est un peu... C'est pas se tirer une balle dans le pied, quoi, mais je veux dire... Enfin, d'un côté, je veux dire, je vois pas, en fait, l'intérêt... Qu'est-ce qu'il gagne, en fait, à faire ça? Oui, parce que c'est pas les histoires récentes de Fantastic Four qui vont être adaptées au cinéma. Ouais, et même, je veux dire... même, peut-être, il y aura pas grand monde qui... Je pense pas que c'est parce qu'il y a pas de comics pendant quelques mois que ça va les empêcher d'aller voir le film, quoi. Pour l'arrêt des Fantastic Four ou quoi, ça c'est, je suis d'accord, ça n'a aucun intérêt, puisqu'au final, tous les comics Fantastic Four qu'ils vendent, ça revient dans les poches de Marvel et jamais de la Fox. Mais ouais. pour changer les origines des jumeaux, ça c'est compréhensible, parce que les gens qui vont au cinéma voir Avengers et qui vont avoir envie ensuite de commencer les comics, ils vont vouloir retrouver les mêmes personnages avec la même histoire, la même origine. Et du coup, comme Marvel veut vendre des caisses de leurs comics, ils reprennent les mêmes origines exprès pour attirer ces spectateurs-là. Ouais, ils sont pas très nombreux, ces spectateurs-là. Hein. Et à force, les anciens lecteurs vont commencer à se sentir un peu bernés en permanence. Ouais, et l'univers qu'ils connaissent commence à plus ressembler à rien. Je dis pas que j'accepte, mais ça fait partie d'un business plan. Oui, après, les gens qui vont sortir de Avengers et qui vont vouloir découvrir Scarlet Witch et Quicksilver en comics, ils vont pas aller chercher les comics qui sont pas encore sortis, puisqu'ils sont pas encore sortis, les comics de ces deux personnages avec leurs nouvelles origines, sauf un numéro cette semaine, ils vont se taper des comics avec les anciennes origines, et Marvel va pas les effacer, ces origines-là, donc... Ouais, mais ils peuvent très bien juste acheter le numéro qui vient de sortir, là. C'est ça, en fait. Et pour le futur, c'est surtout ça aussi. Puisqu'après, Scarlet Witch, tu vas la voir dans Civil War. Donc, les gens qui n'ont peut-être pas vu Avengers ou qui n'auront pas eu envie de commencer Avengers dans les comics, ils vont la voir dans Civil War. Ils vont la trouver géniale et plus que dans Avengers. Ils vont se dire, tiens, je vais commencer les comics. Et là, ça fera, je sais pas, 3 ans que leur origine auront changé. C'est juste pour ça. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, je suis pas sûr que les nouveaux lecteurs apportés par les films soient plus nombreux que ceux qu'ils perdent à force de faire ces modifications-là qui déplaisent aux anciens lecteurs. Après, ça fait 50 ans qu'ils font des retcons dans ce genre-là. Oui. Enfin bon, après, on verra bien plus tard dans les ventes hein, ce que ça donne. Hein. Allez, Byron, on reste du côté de chez Marvel, et puis aussi un peu du côté du cinéma, du coup. Ouais, puisque parallèlement à la sortie de Ant-Man au cinéma, Marvel a annoncé une quinzaine de variantes cover, mais cette fois de la taille fourmi, quoi. C'est... En fait, on voit un petit point quoi sur la couverture et ça représente en fait le héros de l'issue quoi. Et ouais. Donc ça impactera par exemple des séries comme Age of Apocalypse pardon numéro 1, Armor Wars, Amazing Spider-Man Renew Your Wow. Je sais pas, j'ai pas le liste. Ouais, je crois que ça se prononce comme ça, je crois. Siège numéro 1 ou Marvel Zombies. OK. OK. Et puis pour terminer, on le savait, DC avait promis que durant dans leur comics de mai, les numéros 2 dont des mini-séries Convergence, ils allaient publier des previews des nouvelles séries de juin et aussi des nouveaux départs des séries qui continuent. Donc cette semaine, on a eu droit à des previews gratuites qu'on peut retrouver également sur internet de Detective Comics 41, Green Lantern 41, de Green Arrow 41 et des nouvelles séries Starfire, Section 8, Prez, Midnighter, Doomed, The Omega Men et Redwood Arsenal. Voilà, donc 8 pages, des histoires en 8 pages de toutes ces séries-là ont été diffusées la semaine dernière donc sur Internet. Donc vous pouvez aller jeter un œil avant de peut-être vous laisser tenter par l'une des séries de juin. Je trouve l'initiative plutôt sympa de proposer une histoire bouclée en 8 pages pour introduire une nouvelle série et permettre aux gens de voir un peu le ton que ça aura sans avoir à payer le numéro 1 pour ça. Ouais, même si en général, ils ont quand même mis les grosses séries dans les petits titres qui savent qu'ils vont pas se vendre, etc. Donc... Bah, de toute façon, elles s'y passeront toutes. Hein. Il y aura 10 titres la semaine prochaine, 10 titres dans 2 semaines, 10 titres la dernière semaine de mai. Donc toutes les séries auront eu leur preview en 8 pages. Ouais, je sais, non, mais je veux dire, t'as les séries, je pense, qui intéressent la majeure partie, genre le Batman ou quoi, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai vu que par exemple, les séries qui, entre guillemets, se vendaient le moins, c'est celles qui avaient des previews de plus gros titres, quoi. Donc bon, faut quand même un peu payer pour les voir, quoi, mais... Oui, bah si tu les achètes dans les issues, mais tu peux les consulter sur Internet, sur le site de DC, machin, elles sont en ligne gratuitement, il n'y a pas de souci. Ah bon? Ah bah, autant pour moi. Alors. Même sur les plateformes Comixology et tout, je crois. Donc du coup, okay. Non, il y a vraiment possibilité de les avoir vraiment gratuitement, ces histoires-là. Ah bah, c'est du coup, c'est plus cool. Donc ouais, c'est cool. Allez, sélection VO parmi les titres qui sortent demain, Arnaud. J'ai sélectionné Secret Wars 2. écrit par Jonathan Hickman et dessiné par Essad Ribic avec une belle couverture d'Alex Ross. Donc c'est la suite de leur event. Le résumé n'indique toujours rien à part que l'univers Ouais, Marvel a disparu, c'est qu'ils se battent. top secret, ouais. Il me semble que c'est le numéro sur les Thors. Oui, Il me semble que c'est c'était d'après la celui-là. couverture, oui. Ouais. On voit un Qui va mettre certain en Thor. scène tous les Thors de l'univers Marvel. Dont un Thor crapaud, Ouais, le apparemment. Sorg. Pour ma part, je vous propose Howard the Duck numéro 3 de Chip Zdarsky et Joe Quinones, évidemment. Et puis je vous propose également Ejection numéro 1 chez Image, la nouvelle série de Warren Ellis et Declan Shalvey, qu'on a pu voir très récemment sur Moon Knight, le premier tome qui est sorti en VF chez Panini, qui était vraiment excellent. Donc voici leur projet chez Image. Et puis Elvire, pour aller avec le troisième titre que moi je vous propose, qui est Thor numéro 8, dans lequel on découvrira enfin l'identité de la Thor féminine, ça c'est demain. Tu as retenu, toi? Moi, j'ai retenu le volume 1, donc qui regroupe numéro 1 et 5. 1, 5, je crois. Donc, c'est Thor, Goddess of Thunder. Et donc, on voit la déchéance de Thor. On voit que comment dire, le marteau est sur la lune. Personne n'arrive à le soulever. Et là, on voit quelqu'un qui le soulève à la place de Thor et qui est une femme. Donc, voilà, on voit la transition entre les deux Thor. Et voilà, donc c'est ça, avant le titre que Mathieu a choisi. Là, on voit Voilà. qui est cette personne. Et c'est très sympa. Les news VO sont faites. On va terminer cette émission par l'actu télé maintenant. Et du côté de Preacher, on a appris cette semaine que Jamie Ann Allman, qu'on a pu voir dans The Killing, et Derek Wilson de Rectify joueront respectivement Betsy et Donnie Shank plutôt, dans le pilote de Preacher. Et puis on a également appris que Mercedes Mason de Chuck a été castée pour un rôle inconnu. Elvire, On est Netflix. toujours dans les news casting, entre guillemets. Donc, on sait que Rosario Dawson, qui joue Claire dans Daredevil, elle sera de retour dans la saison 2 de la série éponyme, mais aussi dans d'autres séries Netflix. Donc, elle a signé un contrat pour chez Netflix. Voilà. Et ben c'est très bien ça. Personnage apprécié dans la première saison de Daredevil, donc c'est cool de la revoir. Sans doute dans Defenders déjà. Oui. Et puis, il ne vous aura pas échappé que nous sommes en pleine période des upfronts aux États-Unis et que forcément beaucoup de choses ont été annoncées concernant les renouvellements et les annulations de séries. Et on va commencer avec toi, Elodie. Et oui, moi je vais faire le petit point Marvel. Donc on va commencer par la série Powers, dont l'émission sur nos écrans de la semaine dernière était consacrée. On va rien dire. La série a été renouvelée pour une saison 2 sur PlayStation Network, mais Et le merde. showrunner Charlie Theron Ouais. quitte la série. Ouais, donc avec un autre showrunner, pourquoi pas, s'il arrive à redresser la barre, le nouveau. Ça. Vous Avec plus de allez budget. continuer les garçons, même avec un nouveau showrunner? Ah Ah, si, j'irai pitié, voir. non. Si, j'irai voir. Au moins le premier pour voir si c'est J'irai pas voir quand pire, même, hein. si, si. Si, j'irai voir. Et encore. Donc là, c'est plutôt du côté de Disney. Et donc, ABC renouvelle Agent of Shield pour une troisième saison. Et la bonne surprise, on va dire, parce que c'est vrai qu'avec ses faibles audiences, on n'y croyait plus vraiment, mais Agent Carter aura bien une saison 2. Donc on retrouvera les aventures de l'agent Carter l'année prochaine. Mais par contre, ABC abandonne le spin-off de Agent of Shield, encore un, qui était censé être centré sur le personnage de Bobby. Ouais, donc du coup, ouais, John Carter, bonne surprise ou pas quand on sait que c'est sans doute ce qui a causé l'abandon du spin-off sur Mockingbird. Elvire, du côté de chez DC, ça a bougé aussi. On sait enfin ce qu'il adviendra de Supergirl. Ça a été un peu le yo-yo entre est-ce qu'on la garde, où est-ce qu'on la garde, tout ça. Donc CBS a bien commandé Supergirls. On a un espèce de spin-off. De Donc synopsis. Supergirl, pas de spin-off, de synopsis, pardon. Donc elle a survécu à la destruction de Krypton. Et donc elle a 24 ans, elle a les mêmes super pouvoirs que son cousin Superman, et elle décide de commencer sa vie de super-héros. Ça donne envie. C'est clair. Allez, autre commande du côté de la CW cette fois. Donc pour les CW, iZombie aura une saison 2, ce qui est une bonne chose d'après les échos que j'ai eus, même si moi j'ai pas continué. Oui, plutôt. Et aussi il y a le spin-off, donc il y aura un spin-off qui va rassembler Arrow et The Flash, donc qui va s'appeler Legend of Tomorrow. Et concernant le synopsis, Bah, c'est un team-up, en fait, voilà. Ils se mettent ensemble parce que tout seul, ça va pas. Non, mais en gros, je pense qu'il y a rien de plus que... Si, en fait. Si? Ah, pardon, bah, vas-y. En fait, c'est le... Comment? C'est Rip Hunter, qui est joué par Arthur Darvall, qui était, comment? Rory dans Doctor Who, qui, en fait, vient du futur, et il a vu que le futur est catastrophique. Et qu'il doit rassembler un groupe de super-héros et de super méchants, de vilains, pour arrêter cette menace qui détruirait la planète. Voilà. Moi, je pose la question quand même. Est-ce utile de faire autant de spin-off à chaque fois de ces super-héros? Ben, ça marche, donc... Bah, forcément, regarde, Agent Carter, ça a pas du tout marché. Ah oui, mais en tout cas, pour Université W, quand on voit le carton de The Flash... Oui, mais bon, est-ce qu'une troisième série, ça fera pas un peu trop, justement? Ouais, mais si c'est... Mais c'était pas un spin-off de Flash. Si, c'est un spin-off de Arrow. Mais si... Ouais. Imaginons qu'Arrow arrive en bout de course, ça permet d'en avoir toujours deux sous la main pour la saison prochaine. Oui, mais bon, dans ce cas-là, tu pars sur de nouvelles bases, tu fais un nouveau truc, hein, je sais pas. Ben non, parce que tout ce qui est à la mode en ce moment, c'est les univers connectés, que ce soit les super-héros ou d'autres franchises au cinéma, c'est pareil. Tout ce qui est à la mode, c'est les univers connectés. Et du coup, comme... Enfin, Arrow, franchement, voilà, c'est... J'espère qu'ils vont pas trop la faire survivre longtemps au rythme où va la qualité. Ça permet de pas annuler Arrow et de la remplacer par Legends of Tomorrow. Elle aura déjà existé avant. Ouais, la transition c'est mieux. Ça donne l'impression d'une transition en douceur, voilà. Donc bon, pourquoi pas. Moi, voilà, moi je suis plutôt. Ça a l'air intéressant. Ouais, c'est voilà, ambitieux. Je suis plutôt client. Moi, on attaque autre chose là encore, un autre pan de l'univers. Donc non, pourquoi pas. Et puis toujours en France, Arnaud. Alors, on va commencer par peut-être la mauvaise nouvelle. Quoique peut-être que les deux sont des mauvaises nouvelles. C'est NBC qui annule la Constantine. Et donc, pas de saison 2, même si il y a des rumeurs d'un retour sur notre chaîne, mais c'est juste un appel désespéré de l'acteur sur Twitter. De l'acteur et de Céron aussi, hein, le producteur. Oui, et mais... Et Stéphane aussi. Il y a déjà eu des rumeurs avant, et c'était bidon. Personne n'en veut. Et pas c'est une mauvaise nouvelle? Parce que c'était pas terrible. Mais donc c'est une bonne nouvelle. Là, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Enfin, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui... Les quelques fans, comme Mathieu. Les trois fans. Oui, t'avais bien aimé. J'ai trouvé qu'il y avait de bonnes idées qui étaient mal exploitées. C'est pas il a pas détesté. Ça suffit pas à faire que je l'aime. Je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas aimé. Il y a des gens qui ont vraiment aimé. Ah bah oui, il y a des gens qui ont vraiment aimé. Et donc, on va les citer, les trois. C'est ça, en plus, il doit y en avoir trois ou quatre que je connais. Noraya, par exemple. Manon. Oh, les méchants délateurs. Oh, c'est pas possible. Voilà, on en a trois. Voilà, c'est bon. On continue du côté de... La Fox, alors là, c'est pareil, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. La Fox commande la série Lucifer, hein, et engage Joe Anderson comme showrunner. Alors, le mec n'a jamais fait de série, il a été juste producteur exécutif de quelques séries comme White Collar ou Graceland. Et alors, l'histoire de Lucifer, ça a l'air passionnant. Je crois que le début du synopsis, c'est les spectateurs. Lucifer se fait chier. Et du coup, il se fait chier en enfer. Du coup, il décide de venir sur Terre et d'aider la police à enquêter. Voilà. Ok, c'est léger. Hein. Ça a l'air passionnant. Ça donne envie. On verra combien de temps ça va durer, mais bon. Et donc, pour rappel, Flash et Arrow et Gotham ont déjà été renouvelés en janvier. Voilà. Gotham, dont on parlera, et tu nous fais une transition parfaite, Gotham, dont on nous parlera dès jeudi dans l'émission sur nos écrans numéro 15. Pour être complet sur le programme des podcasts de la semaine, puisque nous en avons terminé de cette émission, c'est la Padawan édition numéro 15 que vous retrouverez samedi, qui sera consacrée à l'histoire de DC Comics, les 75 ans, un peu plus même, d'histoire de l'éditeur américain. Après avoir parlé de Marvel pendant une émission, nous vous parlerons cette fois-ci de son concurrent direct. Et puis la semaine prochaine, et non pas la semaine prochaine, on se retrouve dans deux semaines pour le mag numéro 16. D'ici là, bonne lecture, bonne série, et à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. Salut.